Bonjour à tous, aujourd'hui nouvel épisode de notre série 5 de légende où on élit les meilleurs joueurs d'un pays. Aujourd'hui on s'attaque à l'Indonésie dans ce nouvel épisode de 21 Shuttle Badminton at its very very best. My goodness me. What a rally. Oh, sensational. I'm the bad guy. Take that. Salut Benoît, merci d'être encore une fois avec moi pour ce podcast. Salut Ewan, bonjour à tous. Benoît, donc comme j'ai dit, on va faire un nouvel épisode de notre série 5 de légende, ce sera le troisième. Est-ce que tu peux rappeler le concept de ces épisodes, s'il te plaît ? Déjà, on avait promis de faire l'Indonésie, donc voilà, on le fait. Et le concept, c'est qu'en fait, on prend les 5 tableaux du badminton, donc simple homme, simple dame, double dame et double mixte. À chaque fois, on va mentionner les meilleures paires de ce tableau et à la fin... Pour chaque tableau, on va choisir le meilleur joueur ou la meilleure paire qui seront nos titulaires dans le 5 de légende, en l'occurrence de l'Indonésie aujourd'hui. Voilà, donc on s'est plongé un peu dans l'histoire de l'Indonésie. Vous allez voir qu'il y a de quoi faire à chaque fois pour choisir le meilleur ou la meilleure joueur ou joueuse de chaque tableau. Et à la fin, on donne un coup de cœur aussi, si je me souviens bien, ouais, d'un joueur qui est pas forcément le meilleur ou la meilleure de son tableau, mais qu'on voulait particulièrement mettre en avant parce qu'on aime bien le style ou la personnalité ou les deux. On va faire les tableaux dans l'ordre, donc simple homme, simple dame, double dame, double mixte, en commençant par le simple homme. Benoît, qui as-tu choisi comme meilleur joueur de l'histoire de l'Indonésie dans ce tableau ? Carrément, on attaque direct sur le choix et on fera les mentions après du coup ? Bah, je pense qu'on peut faire ça, ouais. Ça me va. Bah, je pense que, sans grande surprise et en même temps, peut-être un peu, pour moi, c'est Taufik Hidayat. Parce que tout simplement, c'est un joueur avec qui on a grandi en partie, même s'il a arrêté sa carrière très tôt. Voilà, champion olympique en 2004 à Athènes, 4 médailles mondiales dans les championnats du monde à Anaheim en 2005 où il est champion du monde, 2 Thomas Cup, 3 Jeux d'Asie, 3 fois champion d'Asie. Il était tout simplement beaucoup trop fort et on le répétera jamais assez, mais il est fort sur le début de la génération Lee Chong-wei, Lin Dan, donc c'est quand même incroyable ce qu'il a réussi à faire, donc voilà pourquoi c'est mon titulaire. Ouais, carrière assez longue en plus, hein, parce qu'il était encore aux Jeux de Londres en 2012, 6 Indonesian Open, j'ai mis avec un point d'interrogation, meilleur revers de tous les temps, point d'interrogation, je pense que... Bah bien sûr. C'était son coup signature, on va dire. Bah oui. Je suis d'accord. Par contre, je ne l'ai pas mis... Je l'ai pas choisi en meilleur joueur de l'Indonésie dans ce tableau. Ok, je pense savoir qui t'a choisi, mais vas-y. En fait, quand on a parlé de ce concept en simple homme, je me suis dit que ça allait être Hidayat directement parce que c'est celui qui m'est venu à l'esprit et c'est le seul champion olympique. C'est pas le seul champion olympique, mais ouais, c'est le dernier champion olympique, ouais, de l'Indonésie dans ce tableau. Moi, j'ai choisi Rudy Hartono. Je sais pas si c'est à lui que tu pensais. Bah, bien sûr. Pourquoi j'ai choisi ? Donc, il a été champion du monde une seule fois en 80, mais en même temps, il était en fin de carrière au moment des premiers championnats du monde, puisque les premiers, ils datent de 77. Et du coup, il est champion du monde lors des seuls championnats du monde où il a participé, ceux de 80. À l'époque, avant l'introduction des championnats du monde au BAD, c'était le All England qui était... qui faisait un peu office de championnat du monde non officiel, et il en a gagné 8, dont 7 d'affilée entre 1968 et 1974. Donc voilà, une domination sans partage, où en plus à chaque fois en finale, la plupart du temps, il mettait des volées monumentales. Pourquoi il dominait autant son temps finalement ? Parce qu'il a un peu révolutionné le BAD et le simple homme. Il faisait beaucoup d'entraînement physique par rapport à d'autres de ses adversaires du moment. Et du coup, il était beaucoup plus rapide que ses adversaires la plupart du temps. C'est lui qui a un peu apporté le... Enfin, il utilisait beaucoup le rush au filet, ce qui ne se faisait pas avant. Et ça lui a permis de voilà, véritablement dominer son époque. Donc pour moi, Rudy Hartono, est le, il a 72 ans aujourd'hui. Et c'est pour moi le meilleur joueur de l'Indonésie dans ce tableau. C'est vraiment le tableau qui a été le plus difficile à trancher, je trouve, entre Hidayat et lui. Mais pour moi, lui, il a vraiment apporté quelque chose. Et il a plus dominé son époque qu'Hidayat, qui, tu l'as dit, était déjà aux prises avec, on va dire, un plus vieux Peter Gadeux et des plus jeunes Lee Chong-wei et Lin Dan. Ouais, bien sûr, Hartono, enfin, en Indonésie, il est considéré comme une légende et peut-être même au-dessus de Hidayat. C'est dire à quel point c'est incroyable. Et je ne sais pas si... il ne me semble pas t'avoir entendu le dire, mais... le badminton était en démonstration au JO de Munich en 72 et c'est lui qui gagne cette démonstration. Moi, c'est un truc, honnêtement, qui a failli faire basculer parce que même si c'était en démonstration, ça reste les Jeux Olympiques et il a une médaille d'or olympique. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est vrai que comme c'est de la démonstration pour lui et pour les autres du tableau, je ne l'ai pas compté à chaque fois dans le palmarès. Mais il y avait quand même les meilleurs joueurs de l'époque. Ouais. Donc ça veut quand même dire, quelque chose. Je suis d'accord avec toi. J'ai juste pas mis dans le palmarès quoi. Et premier Indonésien à rentrer au Hall of Fame du badminton en 1997. Donc je pense qu'il y a une question de génération dans mon choix aussi. Mais en vrai, clairement, il y a aucun scandale à avoir mis Hartono titulaire. Voilà. Et c'est vrai que je le précise. Moi, je l'ai pas mis beaucoup pour d'en bas. J'ai mis aucun titre collectif quasiment pour aucun joueur. Lui, il a quand même 4 Thomas Cup, donc c'est quand même assez impressionnant, une carrière longue aussi, donc ça, je voulais en parler. Benoît, qui d'autre as-tu mis dans tes mentions en simple homme, donc c'est-à-dire les joueurs qui auraient pu faire, qui font partie des meilleurs de l'histoire, mais qui ne sont pas le meilleur? Je vais commencer par le deuxième plus vieux de ma liste après Hartono, c'est Lim Swee King. 65 ans, carrière entre 70 et 90, allez 75-90, 4 fois vainqueur du All England, 3 médailles mondiales, 3 Thomas Cup, même si t'as dit qu'on les citait pas, je l'avais noté, donc voilà. 2 Jeux d'Asie, il a été numéro 1 mondial sur 2 tableaux, un simple homme et un double homme. Et je regardais des images de ce joueur parce que c'est vrai qu'Hartono, j'en ai pas beaucoup retrouvé. Mais lui, il avait, enfin, je sais pas si t'as eu l'occasion, mais il avait un jump smash, mon gars. C'était vraiment le début des jump smash et je le trouve assez impressionnant sur le peu d'images qu'on peut avoir. Donc, je voulais le citer. Voilà, est-ce que tu peux rappeler son nom pour certains de nos auditeurs si jamais ils veulent aller voir? Liam Swee King. Oui, et d'ailleurs, si je me trompe pas, c'est sur lui qu'il y a eu un biopic. Oui. Il y a eu un biopic qui existe, je crois, qui est sorti en 2009. Et dans ce biopic, on voit Kevin Sukamulio et Jonathan Christie quand ils sont tout petits. Exactement. Donc je trouvais ça marrant. Ouais. Donc je voulais le préciser. Je sais pas le rôle qu'ils ont dans le film, mais j'imagine qu'ils doivent jouer des figurants. Au centre d'entraînement, mais j'ai trouvé ça drôle en tout cas. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait un biopic sur lui, ça montre aussi à quel point il était important, parce que c'est pas le seul, on verra, qui a eu son biopic. Moi, je vais parler de Alan Buddikusuma. C'était un choix assez évident parce que, on l'a dit, Taufik Hidayat n'est pas le seul champion olympique indonésien, en tout cas dans les éditions officielles, puisque c'est Buddikusuma qui a remporté les premiers Jeux olympiques où le badminton était officiellement sport olympique, donc en 92. Donc voilà, il gagne à Barcelone. Il est vice-champion du monde en 91. Vice-champion du monde en 91. J'ai mis que... Il est peu régulier sur le circuit, et ce qui est dommage, c'est qu'il a plus passé les quarts des mondiaux après 91, même s'il faut préciser que les mondiaux, à l'époque, il n'y en avait pas tous les ans. Il y en avait tous les 2 ou 3 ans, ça dépendait. Et en fait, ce qui est un peu dommage, finalement, c'est qu'il a été champion olympique quand il était assez jeune. Il avait 24 ans, je crois, donc il avait encore du potentiel. Et derrière, c'est dommage, c'est qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à confirmer, on va dire, mais ça reste un sacré palmarès quand même. Ouais, je vais citer un autre tanconier parce que c'est le thème, c'est le joueur qui a perdu contre lui en finale de ces Jeux Olympiques 92, Hardy Wiranata. Lui, pour le coup, il y a 3 médailles mondiales derrière. Il était encore plus jeune, je crois qu'il avait 21 ou 22 ans. 22 ans, ouais, sur ces Jeux. Il y a quand même 3 médailles mondiales derrière, et puis c'est des mecs qui ont des carrières, Enfin, là, tu vois, Wiranata, c'est quasiment 15 ans de carrière. Donc, aujourd'hui, des joueurs qui durent 15 ans, on en voit de moins en moins. Donc, voilà. Encore. Et on ne précise même pas que les deux, Budi Kusuma et Wiranata, les deux ont été numéro 1 mondiaux. On ne l'a même pas précisé, mais c'est quand même, c'est quand même notable. Et ont gagné la fameuse Sudirman 89, non, les deux d'ailleurs. Budi Kusuma, je ne sais pas s'il y était. Je l'ai pas noté, mais ça paraît être sur leur période et je me dis que bon. C'est peut-être le début de leur carrière. Ah, peut-être, ouais, effectivement. Est-ce que t'as fini avec le simple homme ou est-ce que t'as encore des noms? J'ai encore deux petits noms, allez, si tu veux. Ah, bah vas-y, j'en ai noté moins, mais il y a beaucoup de qualité en Indonésie dans ce tableau, donc je t'en prie, vas-y. Bah, j'ai le grand Hendrawan, je pense que beaucoup le connaissent, mais c'est pas forcément par sa carrière de joueur. Pourtant, il a été champion du monde en 2001, il me semble, et il fait l'argent au jeu 2000. Voilà, Hendrawan, c'est surtout, il est connu surtout pour sa carrière d'entraîneur, mais ça. Le gars, il a une médaille mondiale, il est champion du monde et une médaille olympique, donc c'est quand même incroyable. Oui, c'est ça, notamment entraîneur de Lee Chong-wei. Bien sûr. C'est en partie pour ça qu'on le connaît, mais c'est vrai que on parle peu de sa carrière de joueur, mais ça reste incroyable, vice-champion olympique et champion du monde. Et du coup, le dernier nom, c'est Sonny Dwai Kunkuro. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que nous, enfin, on l'a vu sur la fin de sa carrière, mais il a eu quasiment 18 ans ou 19 ans de carrière. Je ne l'ai pas noté, mais il me semble que c'est ça. Il y a un bronze au jeu 2004, donc le fameux titre de Taufik Hidayat. Il y a deux médailles mondiales. Il gagne trois fois les championnats d'Asie. En vrai, petite carrière quand même pour un mec qui a vécu pendant 15 ans et qui vit toujours dans l'ombre de Taufik Hidayat. Ouais, Taufik Hidayat, et en plus il a 37 ans, c'est le même âge que Lindan, quoi, donc à peu près. Donc on peut pas dire qu'il soit passé dans une période facile, et il aurait peut-être un autre palmarès à une autre époque, quoi, parce que là c'est vrai qu'il est vraiment au sein d'une génération où le niveau est extrêmement relevé. Ouais, c'était franchement, il était bon sur la fin, c'était un peu plus compliqué, mais pendant 10 ans il était très très sérieux candidat et un concurrent vraiment sérieux pour les Chong-wei ou les Lindan sur le circuit toute l'année, hein. Oui, c'est vrai, puis que ce qu'on s'en rend moins compte parce que c'est un joueur qu'on connaît plutôt bien, puisqu'il, je sais même pas s'il joue encore, il a 37 ans, mais en tout cas il jouait encore il y a 2 ans, quoi. Ouais, deux, c'est ça, ans. il a arrêté en fin 2018, mais il joue toujours sur le circuit indonésien, donc Donc t'as raison de le dire, je répète son nom, c'est Sonny Dwai Kunkuro. On va tout de suite passer au deuxième tableau, et sans doute celui où ça a été le plus facile de trouver la meilleure joueuse de l'histoire, le simple dame. I'm the bad guy. Take that. Benoît, est-ce que tu veux commencer, même si je pense qu'on a la même meilleure joueuse? Bah, je vais la citer et après je te laisse raconter un peu sa carrière. Pour moi, je pense pas qu'il y ait débat, c'est Suzy Susanti. Ouais, quand je parlais de biopic tout à l'heure, elle aussi, hein, y en a un qui est sorti sur elle il y a 2 ans. Championne olympique en 92, donc pareil pour les premiers jeux. Bronze aux jeux suivants en 96. Elle a été championne du monde en 93. Elle a deux autres médailles mondiales. Elle a gagné 7 fois les World Tour Finals, enfin l'équivalent, c'est-à-dire le tournoi en fin d'année qui comprend les 8 meilleures joueuses du monde. Elle l'a gagné 7 fois, dont 6 fois d'affilée. Elle a gagné 4 fois le All England. Et surtout, un des trucs que je trouve le plus impressionnant, c'est quand vous allez voir le head-to-head, donc c'est-à-dire les confrontations directes contre les meilleures joueuses du circuit, on va dire contre les 30 meilleures joueuses de son époque, elle a un ratio positif contre toutes sauf une. C'est impressionnant. Et par exemple, quand on voit ces confrontations, par exemple contre Camilla Martin, qui est une des meilleures joueuses, peut-être la meilleure joueuse de l'histoire du Danemark en simple dame, elle a mené 15-0. Elle a jamais perdu. C'est ultra impressionnant comment elle dominait quasiment toutes les meilleures joueuses de son époque contre qui elle a joué. Ouais, puis même, enfin, en Indonésie, voilà, on l'a dit, il y a tellement de joueurs forts, mais Suzy Susanti, c'est, enfin, à l'échelle de l'Indonésie, c'est pareil, hein, c'est une légende vraiment. Enfin, elle est placée au rang d'idole, c'est vraiment un truc de malade. Et pour le coup, elle était à la fameuse Sudirman, la seule de l'histoire de l'Indonésie en 89. Et l'Indonésie qui a gagné 3 Uber Cup dans son histoire, il y en a 2 où Suzy Susanti était là. Donc c'est pour dire à quel point elle a, même le palmarès de l'Indonésie en tant que pays, elle y a contribué et largement. Donc il n'y avait pas vraiment débat, même si on va peut-être citer d'autres joueuses, elle était vraiment au-dessus du lot. On peut préciser qu'elle est mariée à Alan Budikusuma, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc les deux ont été champions olympiques en 92. Et on en parlait avec Benoît, quand ils sont revenus des Jeux Olympiques de Barcelone, il y avait entre 500 000 et 1 million d'Indonésiens dans les rues de Jakarta pour venir faire la fête pendant 2 heures quand ils ont défilé dans les rues. Et je trouve que ce chiffre, donc 500 000 à 1 million d'Indonésiens, je trouve qu'il permet un peu de mieux se rendre compte la place du badminton en Indonésie et surtout la place que les deux, mais surtout Suzy Susanti, occupent en Indonésie. C'est que nous, c'est inconcevable pour une badiste, mais elle, c'est vraiment, tu l'as dit, une icône nationale là-bas. Ouais, mais même au foot, tu vois, du coup, c'est ce dont on parlait quand tu m'as montré ça. Quand l'équipe de France défile sur les Champs-Élysées, que ce soit en 98 ou en 2018, il n'y a pas 1 million de personnes sur les champs, tu vois, et pourtant il y a une incroyable ferveur, mais 1 million, enfin, même si 500 000, c'est énorme. Dans n'importe quel sport, aussi connu soit-il en France, c'est un truc qui est inimaginable, donc ouais, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et Benoît, je sais pas ce que t'en penses, on va en parler juste là, mais le fait aussi qu'elle soit peut-être aussi adorée, c'est que finalement, c'est l'arbre qui cache la forêt d'un tableau où l'Indonésie est historiquement pas très fort, quoi. En fait, l'Indonésie a jamais vraiment perfé dans ce tableau. Il y a quelques bonnes joueuses, on va en parler après, mais elle, à elle seule, elle a fait le palmarès du pays, quoi, quasiment. Bah, c'est clairement ça, parce que même le palmarès collectif, tu vois que sans elle, ils ont toujours été très forts chez les garçons, mais incapables du coup de performer en Sudirman ou en Uber Cup, vu que t'as pas de filles au niveau. On cesse de le répéter que au moins en simple dame, c'est très compliqué à l'heure actuelle, et en fait, on se rend compte qu'à part Suzy Susanti, ça l'a globalement toujours été. Oui, c'est ça, 3 Uber Cup pour l'Indonésie, on a 2 où elle était là, ouais. Mais sinon, ouais, depuis, c'est très compliqué, et actuellement, vous pouvez regarder, en simple dame, l'Indonésie, c'est 15e mondial, quoi. Il y a Fitriani et Toon Young, c'est pas des top 10 mondial, quoi. Donc la chute est rude depuis l'époque Suzy Susanti des années 90. Benoît, est-ce que tu as d'autres joueuses donc, que tu voulais mentionner parce qu'elles font partie des meilleures joueuses de l'histoire du pays, mais qui n'étaient pas assez fortes pour être numéro 1, selon toi? Oui, on en a parlé tous les deux. Mia Odina, je pense qu'on la connaît plus pour sa deuxième partie de carrière où elle est naturalisée hollandaise. Mais Mia Odina, elle est indonésienne et je trouve que c'est assez terrible. Elle a 41 ans aujourd'hui. Ce qui est assez terrible, je trouve que c'est... Alors, elle s'est mariée à un Hollandais et du coup, elle est partie en Hollande. Mais c'est ça qui est assez dur, c'est que l'Indonésie a même pas réussi à la garder en tant que joueuse parce qu'elle aurait pu partir et rester à jouer pour l'Indonésie, ce qui n'a pas été le cas. Alors que elle fait argent au jeu 96. Et elle aussi, faut pas oublier qu'elle est là pendant les 2 Uber Cup que remporte Suzy Susanti. Et effectivement, les deux ont eu, j'ai envie de te dire, la chance de tomber sur la même génération et d'être capable de rapporter ça à l'Indonésie. Mais sur sa deuxième partie de carrière, Mia Odina, ça aurait quand même pu faire des médailles aussi pour l'Indonésie. Alors même si elle n'aurait pas délogé Suzy Susanti, elle a quand même eu une vraie carrière globalement. Ouais, c'est ça, elles se sont croisées en fait, parce que elle était plutôt en début de carrière quand Susanti était en fin de carrière. Et oui, ce qui est impressionnant, bon, on la compte parce que finalement elle a été formée en Indonésie et je pense que c'est le plus important. Elle a changé en 2000, donc à peu près au milieu de sa carrière, quoi. Ouais. Mais c'est quand même 2 finales olympiques à 8 ans d'intervalle, 96 et 2004. Du coup, une pour l'Indonésie et une pour les Pays-Bas. Elle fait médaille de bronze au championnat du monde de 2003. Et ensuite, effectivement, elle a été après championne d'Europe parce que sur le circuit européen, elle était très très forte. C'était elle contre Ongyan Pi qui était aussi naturalisée. C'est un peu elle qui dominait le circuit à l'époque, mais son palmarès reste intéressant. Elle a quand même gagné l'Indonesian Open en 98. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, c'est quand même une très bonne joueuse qui a une carrière vraiment étrange, en fait. Oui, parce qu'on n'a pas l'habitude, disons que c'est rare que les Indonésiens soient, en tout cas, naturalisés à ce niveau-là dans d'autres pays. Ça arrive avec d'autres pays, mais rarement avec l'Indonésie, c'est vrai. Du coup, elle a eu une très longue carrière, hein, quasi 20 ans. Et c'est vrai qu'on a eu, bah, les Pays-Bas ont eu la chance de l'avoir pendant presque 10 ans. Donc, Est-ce que tu as d'autres joueuses? Je pouvais citer là Verawati Vajrin, 63 ans, qui a été la seule championne du monde indonésienne en simple dames, hormis Susie Susanti. C'était en 1980, mais voilà, pas vraiment de grosses perfs en simple dames. En fait, c'était même pas une chose de simple dames. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'elle a remporté quasiment son seul titre sur des mondiaux. Ouais, et ben moi je voulais parler, j'ai juste cité Maria Christine Jolanti, parce qu'elle a quand même une médaille olympique, voilà, médaille de bronze au JO de 2008, alors qu'elle avait que 23 ans, mais derrière elle a pas fait grand-chose, puisqu'elle a au compteur elle a une finale d'Indonesian Open et pas de titre sur des gros tournois. Elle a que 36 ans aujourd'hui, mais pourtant elle a arrêté sa carrière depuis 2009, je crois, parce qu'elle a été aussi victime de pas mal de blessures, mais quand même une médaille olympique, donc il fallait le souligner. Voilà. Et déjà là, on va le voir, ça va se voir peut-être encore plus en double, mais déjà avec le simple, on voit la différence entre les hommes et les femmes finalement en Indonésie, où les hommes, il y a beaucoup plus. En fait, ouais, voilà, Susanti, elle fait vraiment monter tout le monde, mais sinon derrière, il n'y a vraiment pas beaucoup de quantité de joueuses vraiment très très fortes, alors que chez les hommes, on aurait pu encore en citer. Je pense qu'il y a vraiment eu des différences dans la formation qui sont peut-être un peu moins présentes maintenant, mais je pense qu'il y avait des différences dans la formation avant. Parce que c'est la seule explication que je vois pour cette différence entre les hommes et les femmes en Indonésie. C'est vrai que c'est assez surprenant, j'ai pas les raisons de cet échec. Enfin, je sais pas si on peut dire un échec, mais. Enfin, quand tu vois le niveau des Indonésiens, que ce soit en simple, en double ou tout tableau confondu de double, tu te dis quand même qu'il y a le potentiel, même chez les filles, pour faire mieux. Et pourtant, dans l'histoire, on va voir en vrai en double dame, mais il n'y a pas eu tant de joueurs forts que ça. Et quand tu vois le nombre qu'il y a eu chez les hommes, tu te dis qu'il y a, une défaillance ou il y a quelque chose quelque part qui est étonnant. Look at this, look at that. On va passer au gros morceau de cet épisode, c'est le double homme, puisque bah, historiquement, ça a quasiment toujours été le meilleur tableau de l'Indonésie, ça l'est encore aujourd'hui. Donc là, le niveau est très très élevé, il y a des médailles olympiques et surtout des médailles mondiales partout, on a dû en mettre pas mal de côté tellement il y avait de qualité. Ceci étant dit, Benoît, qui est pour toi le meilleur joueur ou la meilleure paire de l'histoire de l'Indonésie en double homme? Ça me paraît évident, c'est Gideon Sukamulyo, non? Non. Je voudrais les citer quand même à la fin, mais on verra plus stop, tard. Stop les trolls, moi je les ai même pas cités, donc je te laisserai ça pour toi. Moi, ma paire titulaire, c'est Indra Setiawan. Lui, il n'y avait aucun débat possible, et je l'ai mis avec Marquis Kido. Je sais que ça prêtera à débat, parce que... Bah, les jeunes comme nous n'ont pas forcément vu jouer les deux ensemble, mais nous on l'associe plus à Mohamed Hassan. Sauf que Marquis Kido et Indra Setiawan, c'est champion olympique en 2008 à Pékin face à Kai Fu. Honnêtement, allez regarder cette finale, elle est sur YouTube. Un des matchs les plus incroyables des Jeux Olympiques, devant un public chinois, incroyable, vraiment la finale, rien que la finale est monstrueuse. Mais c'est pas tout parce qu'ils sont champions du monde 2007. Bronze au Mondiaux 2010, ils gagnent les Jeux d'Asie 2010, ils sont deux fois champions d'Asie en 2005 et 2009, il y a d'autres médailles aux Jeux d'Asie, d'autres médailles aux Championnats d'Asie, mais les deux ensemble, en quelques années, ils ont tout gagné en fait. Vraiment, quand je dis tout gagné, c'est tous les plus gros événements. Et moi, c'est ça qui fait que c'est eux mes titulaires. Et j'expliquerai après pourquoi c'est pas Mohamed Hassan. Très bien. Moi, j'ai fait le lâche. J'ai mis un joueur, puisque du coup, j'ai mis Indra Setiawan. Ah, bah oui. Toi. Okay, ok. Et j'ai mis entre parenthèses avec Kido et Hassan. S'il fallait choisir une paire, je mettrais la même que toi. Je mettrais Kido Setiawan, rien que parce qu'en fait, ils sont champions olympiques ensemble. Et, ouais. Et je pense que peut-être, si on prend la carrière de Indra Setiawan, je pense que le moment où il avait le meilleur niveau, c'était avec Marquis Kido. Notamment champion olympique en 2008, tu l'as dit. Kai Fu, qui est peut-être pour moi la meilleure paire de tous les temps, qui était ultra attendue à domicile. Le titre leur tendait les bras. Et c'est les deux Indonésiens qui viennent leur prendre en finale à Pékin. Enfin, c'est quelque chose... Moi, je ne l'ai pas vécu en direct, mais c'est quelque chose que j'ai déjà revu et que j'adore voir parce que c'est quelque chose d'incroyable dans l'histoire du BAD. Mais Endra Setiawan, sinon, ouais, c'est 4 fois champion du monde, deux fois des Jeux d'Asie. Il a vraiment tout gagné. Il a tout gagné. Ce que je trouve impressionnant avec lui, c'est qu'il y a plusieurs phases dans sa carrière, du coup, puisqu'il y a, en gros, Marquis Kido. Après, il y a Hassan, premier passage. Ils se sont séparés et après, ils sont revenus ensemble. C'est la période actuelle. Enfin, qui va peut-être se terminer avec les Jeux de Tokyo, on ne sait pas. Et donc, lui, son style a évolué, et du coup, il a joué... Enfin, tu vois, il était à l'époque, il jouait Kaifu, tu te dis maintenant, il joue Gideon Tsukamulyo ou Liliu et compagnie, il a joué vraiment des paires, il a joué des générations différentes, et pourtant, il est toujours au top, et c'est... on rappelle qu'ils sont toujours champions du monde en titre, Hassan Setiawan, puisque les derniers ont été annulés. Donc, c'est vraiment quelque chose de fou, et pour moi, malgré le... La hauteur du niveau en Indonésie, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre que lui, le meilleur joueur du tableau. Mais bien sûr, enfin, je veux dire, sur Setiawan, je sais même pas si on peut avoir le débat. En vrai, si on prend, sans parler de pair, les plus grands joueurs de l'histoire du double homme, peut-être qu'Endra Setiawan, en tant que joueur intrinsèquement, est au-dessus de Kaifu, tu vois. En tant que pair, c'est plus difficile parce que Kaifu, ils ont toute leur carrière ensemble. Setiawan, il a eu 2 partenaires, il a brillé avec les deux, mais du coup, il y a pas. C'est vrai que c'est difficile de le mettre avec Kido plutôt que Hassan ou l'inverse, tu vois. Mais c'est vrai. Même si finalement Fu Haifeng a quand même été champion olympique avec un autre bien partenaire, sûr. Mais ça, mais on oui. en a déjà parlé. Ouais, c'est clair. Si jamais on fait des épisodes un jour, on va devoir élire les meilleurs pairs ou les meilleurs joueurs de l'histoire du tableau dans n'importe quel pays. Là, par contre, il va y avoir des débats sanglants, mais on fera peut-être ça plus tard. On va se concentrer sur l'Indonésie aujourd'hui. Non, mais ouais, c'est vrai que cette finale en 2008, pour moi, elle a tout changé parce qu'il y a le scénario, ils perdent le premier dans une salle vraiment qui te met le feu. Et pourtant, voilà, derrière, tu vas chercher les deux autres. Et c'est vrai que tu as raison de dire que Setiawan a peut-être joué son meilleur bad à ce moment-là. Mais Setiawan, il y a 20 ans de carrière où le gars joue à un niveau top 3 mondial. Enfin, genre. Aujourd'hui, si on devait comparer, c'est du Federer, du Nadal ou du Djoko au tennis, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de vraiment incroyable. Et pour revenir sur Mohamed Hassan, puisqu'on en a un peu parlé, lui, du coup, c'est 15 ans de carrière quasiment. Il y a 5 médailles mondiales, mais il n'y en a que 3, je crois, avec Setiawan. Par contre, c'est ça. Mon petit reproche, c'est que y a eu 0 Sudirman. Alors, forcément, on l'a dit à cause des filles, mais il y a eu 0 Thomas Cup, alors que je trouve un peu dommage parce qu'il y a eu des joueurs pour la remporter. Mais bon, il a gagné 2 All England, il gagne 3 Finals en double homme, il gagne les Jeux d'Asie 2014. Enfin, voilà, les 3 pouvaient être titulaires presque tellement leur palmarès est incroyable. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment, on a le top du top. Et puis, c'était vraiment aussi, on en a parlé, mais l'occasion de dire un mot pour Marquis Kido qui est décédé le 14 juin dernier. C'est quand même lui aussi, même si on parle beaucoup de Setiawan puisqu'il joue encore, lui, il fait partie aussi des meilleurs joueurs de l'histoire de son pays quand même. Après, ça, c'est la sensibilité de chacun, mais Marquis Kido, le mec faisait moins de 1m70. Il a toujours eu un physique atypique pour jouer au BAD, surtout à ce niveau-là, mais. Quel régal, une puissance de fond de court incroyable, mais une main, il avait Marquis Kido. Enfin, allez regarder des matchs, honnêtement, j'en parlerai pas aussi bien que ce que vous verrez, donc je peux que vous conseiller d'aller. Même quand il a joué avec Gideon sur la fin de sa carrière, où il gagne les IFB, il est incroyable à voir jouer encore. Donc voilà, Endra Setiawan avec Marquis Kido et Mohamed Hassan, meilleur joueur de l'histoire de l'Indonésie, mais... Donc là, en fait, finalement, on a pris quelque chose d'assez récent, on va dire, puisque c'est un joueur qu'on a encore vu jouer aux derniers Jeux Olympiques. Mais j'imagine que comme moi, quand tu es allé creuser un peu dans l'histoire du pays en double homme, tu as vu, il y avait des pépites, on va dire. Je vais te laisser citer en premier, mais juste, je peux dire qu'il y a 2-3 mecs qui ont performé. Ouais. Je vais commencer par Rudy Gunawan. Lui, il a joué avec 2 partenaires différents. Il a joué avec Hartono et Suprianto. Donc, il est vice-champion olympique en 92. Gros palmarès aussi. Ce qui est marrant, c'est que je t'en parlais juste avant en faisant des recherches. Il a joué un seul... Il a gagné qu'un seul tournoi avec un 3e partenaire qui est Subakja, dont on va parler juste après parce que lui aussi il a une paire de fous. Et les gars, ils sont champions du monde. Donc ils jouaient jamais ensemble. Je sais pas trop comment ça s'est passé. Ils ont dû se dire, vas-y, c'est les championnats du monde 93, on joue à deux, ils sont champions du monde. Donc voilà, début des années 90. Je l'ai mis, il a peut-être pas le meilleur palmarès de l'histoire, mais bon, il a quand même une médaille d'argent au JO. Et en plus, ce qui est impressionnant, je trouve, c'est qu'il a réussi à être constant avec deux partenaires différents. C'est aussi pour ça que je voulais le mentionner. Donc, Rudy Gunawan. Ouais, deux, même trois quasiment, parce que t'as parlé de ce titre mondial. En vrai, moi, être en recherche de partenaires et gagner un tournoi, c'est sympa. Mais le gars, là, il a joué un tournoi avec un seul partenaire, il est champion du monde. Ça, il s'est inscrit sous X, il s'est inscrit sous X, mais... il a chopé la médaille d'or. Ce qui, il gagne aussi De Thomas et la fameuse Sudirman de 89 qui va revenir un peu dans cet épisode, il est là aussi. Donc, carrière courte, je sais même pas si elle dure 10 ans, mais le gars, en 10 ans, il s'est dit, c'est bon, j'ai plié le game, je peux arrêter là. Ouais, exactement. Est-ce que t'en as, enfin, qui tu veux citer d'autres maintenant? Du coup, t'as parlé de Subagia, je le prononce peut-être mal, on va rester sur lui. Et moi, je l'ai mis avec Rexy Mainaki. Ouais. Ils sont tous les deux 53 et 50 ans. Ils ont joué ensemble pendant 10 ans. Ils ont gagné les Jeux Olympiques 96, donc Atlanta. Je crois qu'ils gagnent les Mondiaux 95, si je ne dis pas de bêtises. Deux Jeux d'Asie, 5 médailles en Sudirman, 2 All England, 3 Indonesia Open. Voilà, en 10 petites années de carrière. Je pense que ça méritait d'être cité parce qu'en vrai, il serait titulaire dans tellement de pays. Et là, ils sont relégués bien loin d'être titulaires en Indonésie. Ah oui, non, la carrière est folle. Je crois que j'ai déjà vu sur des sites indonésiens, quand ils sont mentionnés, on les appelle souvent par leur prénom, par leur prénom Ricky et Rexy. Mais c'est un truc de dingue. Enfin, franchement, quand tu te dis que l'Indonésie, les meilleurs joueurs de son histoire, c'est pas des joueurs qui ont été champions olympiques et multiples champions du monde, ça montre à quel point le niveau est haut. Mais eux, il fallait le mentionner. Moi, j'ai noté aussi, tu t'as dit les gros titres. J'ai noté 28 titres sur le circuit, dont 3 World Tour Finals. Donc, grosse domination. Ils ont été aussi, on le précise même plus, ils ont été numéro 1 mondiaux. Ouais. Donc, tu fais bien de les citer. Ouais, non, ils ont tous des palmarès en vrai incroyables. Hein. Être champion olympique ne suffit pas en Indonésie en double pour être titulaire. C'est vraiment hallucinant. Ouais, c'est ça qui est carrément fou aussi. Alors, je vais continuer. Là, j'ai mis qu'un seul joueur. J'ai mis Tony Gunawan. Donc, pas de rapport avec le Rudy Gunawan que j'ai cité tout à l'heure. Lui, c'était un peu plus tard. Et comme Mia Odina tout à l'heure, il a la particularité d'avoir changé de nationalité. En fait, il est indonésien, mais il représente les États-Unis depuis 2001. Mais juste avant, il a été champion olympique en 2000. Et il a été champion du monde après, en 2005, avec Howard Back, un Américain, du coup. Et il a été aussi champion du monde. Il a aussi, pardon, été champion du monde en 2001 avec l'Indonésie, juste avant de changer de nationalité. Il a aussi énormément de titres sur le circuit. Je vais pas tous les citer. Il a notamment gagné deux fois le All England quand il jouait encore pour l'Indonésie. Mais le truc, ce qui est impressionnant, c'est qu'il a joué avec plusieurs partenaires, et même après qu'il ait changé de nationalité et qu'il représente les États-Unis, il continue à gagner des gros tournois quand même. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il a une carrière qui dure. Il jouait encore en 2009, alors qu'il a commencé en 96-97. Quoi. Donc une durée au plus haut niveau qui est impressionnante. Ouais, tu l'as dit. Moi, le seul truc qui m'a manqué, tu vois, c'est vraiment une paire mythique pour lui, parce qu'il n'y a pas eu vraiment de... En fait, il a rendu tout le monde meilleur. Mais il n'y a pas eu vraiment de partenariat qui a duré. Honnêtement, sans faire offense à Howard Back, il n'avait pas le niveau d'être un top 10 mondial. Et c'est peut-être dur de dire ça parce qu'il est champion du monde, le gars. Mais je sais, j'ai pas trouvé d'ailleurs si les États-Unis avaient appliqué une stratégie de naturalisation, parce que les mondiaux 2005, on rappelle qu'ils sont à Anaheim, ils sont déroulés en Californie, je crois. Du coup, je sais pas trop s'il y a eu cette politique de naturalisation, mais Gunawan, il a rendu Howard Back tellement fort dans ce partenariat, et le titre de 2005, enfin, il est incroyable, et je pense qu'il faut donner beaucoup de crédit à ce joueur, même si je pense qu'en Indonésie, ça n'a pas été hyper bien apprécié qu'il change de nationalité. Le gars, il a eu une vraie, vraie carrière. Ouais, je suis d'accord avec toi, j'ai rien à ajouter. J'ai bien aimé ce que tu as dit sur le fait que voilà, il bonifie les mecs qui étaient à côté de lui, et ça montre à quel point il était fort aussi, malgré le fait qu'il n'ait pas de partenaire, même quand il était en Indonésie, hein, même avant qu'il change de nationalité, ouais. Il n'a pas tout le temps joué avec le même partenaire, mais ça montre à quel point lui était fort, quoi. Ouais, d'ailleurs, dans le genre, je sais pas si t'allais le citer, mais j'en ai un autre qui est pas mal dans ce style-là, c'est Kandra Vijaya. Quasiment, ouais, allez, 15 ans de carrière entre 94 et 2008, et il a 45 ans. Il a été champion olympique en 2000 avec Gunawan. Il a gagné les mondiaux 97 avec Buddy Arto. Je crois qu'il a deux médailles d'argent mondial aussi avec Buddy Arto. 7 médailles au championnat d'Asie, dont une médaille d'or en 96 avec un troisième partenaire, Sutriana. 4 Indonesia Open, 2 All England. Voilà. Encore un mec, tu pourrais me faire jouer avec moi, je crois qu'il me ferait gagner des tournois aussi. Mais ce serait surtout grâce à toi, on va pas se mentir. non, mais ce qui est impressionnant, on le disait en préparant l'épisode, c'est que plus que la Chine encore, je trouve, c'est que. Même quand tu les intervertis, ces mecs-là, quand ils changent de paire, ils restent forts parce que la densité du niveau est tellement élevée que tu as l'impression que tu peux faire un nombre infini de paires différentes et tu auras toujours des paires compétitives. Et quand je dis compétitives, c'est compétitives au point de pouvoir gagner des championnats du monde et des Jeux Olympiques, quoi. Bah, c'est toujours le cas aujourd'hui parce qu'on a bien vu que quand Marquis Kido, il s'est retrouvé à jouer avec Gideon, tu vois, sur fin de carrière de l'un, début de l'autre. Aujourd'hui, ça m'étonnerait pas que ça arrive avec un Alfian Ardianto, par exemple, tu vois. Ils ont toujours eu des joueurs si forts, en fait, qu'ils pouvaient intervertir les paires comme s'ils jouaient à FIFA, en fait. Non, mais c'est ça qui est dingue. Ouais. Tu parles de Gideon Tsukamulyo, je les ai cités tout à l'heure, je vais expliquer un peu pourquoi. Évidemment, là, nous, on reste sur la frustration de leur quart de finale perdu aux Jeux Olympiques, parce que bah, ils sont quand même numéro 1 mondiaux. Mais je vais les citer parce que leur domination du circuit, elle est quand même pas sans égal, mais elle est quand même très impressionnante. Ils ont gagné les Jeux d'Asie aussi en 2018. C'est leur plus gros titre, mais derrière, il y a quand même des All England. Et voilà, je trouve que la domination qu'ils ont eue, beaucoup de paires qu'on a citées avant l'ont pas forcément eue quand elles étaient au top. Elles faisaient des gros coups, mais eux, ils ont vraiment été patrons du circuit. Maintenant, on attend un grand titre, mais mine de rien, Gideon, il a déjà 30 ans. Donc voilà, on attend un titre majeur, et par titre majeur, c'est au moins des championnats du monde et pourquoi pas des Jeux Olympiques. Est-ce que ça se fera ils vont laisser Gideon avec Tsukamulyo pendant longtemps? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'espère pour eux qu'ils le gagneront pour, on va dire, la cerise sur le gâteau d'une carrière commune qui est déjà pas dégueu, même si il y a ces échecs récents. Bah, je pense que t'en as bien, très bien parlé même, parce qu'en vrai, c'est vrai que la tentation de pas les citer, perso, elle a été très forte, pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est peut-être la paire qui a été la plus forte en termes de constance, là, de toutes les paires qu'on vient de citer sur quelques années, parce qu'ils ont vraiment, sur le circuit, ils ont détruit tout le monde. Et sauf que dans les grands événements, à part ces fameux Jeux d'Asie qui sont quand même un titre incroyable, hein, en Asie, faut pas le dénigrer non plus. Mais à part ça, c'est vrai que c'est difficile. Ils ont pas, dans les grands événements, montré que que l'Indonésie, tout ce qu'on a vu, c'est qu'ils étaient capables de gagner dans les grands événements. Et en fait, c'est un peu le défaut de Gideon Tsukamulyo, c'est que eux, ils l'ont pas fait. Voilà. Et j'ajouterais aussi que moi, ce pourquoi je les mets pas encore très haut dans l'histoire de l'Indonésie, c'est que j'ai l'impression, après c'est peut-être un plus large débat, mais que le niveau, surtout des années qui est aussi un peu maintenant, le niveau où ils ont été au top est moins élevé que le niveau, par exemple, des années 2000, quoi. Je trouve en double homme qu'il est plus faible. Il n'y a plus de Bo Mogensen, il n'y a plus de Kutan ou Lio, notamment en Corée. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu es un peu d'accord ou tu as la même impression? D'autant plus qu'aujourd'hui, je pense que là, on l'avait dit après 2016. Je me souviens, enfin, on écrivait pour un autre média, maintenant vous le savez, mais on l'avait dit après 2016, et cette période de transition, elle est encore là. Et là, peut-être qu'on est enfin en train de switcher sur vraiment une nouvelle génération. Mais c'est vrai que, voilà, des Hassan Setiawan, oui, ils sont très forts et tout, mais ils sont quand même vieillissants. Et il y a des paires dans le top 10 mondial qui ne l'auraient jamais été il y a quelques années, donc. C'est vrai qu'on est quand même sur un creux, donc ça joue aussi. Est-ce que tu as d'autres joueurs ou paires en double homme? J'ai une dernière petite paire qui a joué avec la génération Rudy Artono, Adeshandra et Christian Adinata. Ils ont 71 ans. Voilà, ils ont gagné les fameux jeux en démonstration à Munich en 72. Champion du monde en 80, vainqueur des Jeux d'Asie 78, vainqueur des championnats d'Asie 76, vainqueur deux fois du All England. C'est une paire mythique, c'est un peu comme, Rudy Artono, pardon, en simple homme. C'est des précurseurs en fait. On n'a pas beaucoup d'images de ces gars-là, mais ils sont vraiment placés aussi au statut de légende. Alors forcément pour nous, ils sont vieux, on n'a pas d'images, la concurrence était différente à l'époque. Mais voilà, en Indonésie, il faut pas oublier que ces mecs-là, c'est des idoles et en plus avec ce palmarès-là, je pense que ça a aussi donné des idées aux générations futures. Et ils ont notamment été coach, donc en vrai, ils ont été coach pour les générations suivantes, qui ont été coach pour les générations suivantes. Donc je pense qu'ils méritaient bien une mention. Ouais, bah moi, Adinata, je l'ai mentionné en mixte, pas en double homme. Ouais. Mais tu as bien raison de le faire parce que. C'est ça, ils sont arrivés, c'est eux qui ont un peu lancé les précurseurs, c'est le très bon mot. On passe tout de suite au double dame. Oh my goodness! Alors Benoît, en double dame, alors là pareil, par rapport au double homme, c'est vraiment maigre. Qui as-tu mis comme meilleure joueuse ou meilleure paire de l'histoire de l'Indonésie? Polly Rahayu, hein. Ça peut paraître très d'actualité, je vais d'abord te demander si tu es d'accord avec moi et ensuite on parlera d'elle. Alors moi, en fait, encore une fois, j'ai mis qu'une joueuse et j'ai mis Grecia Poli aussi, hein, parce qu'elle, okay. Elle a eu une partenaire avant où elle a gagné notamment les deux fois les Jeux d'Asie. Une fois les Jeux d'Asie peut-être. Une fois, ouais. Ouais, une fois, mais je suis totalement d'accord avec toi. Elles viennent d'être champions olympiques il n'y a même pas un mois, donc ça fait un peu bizarre, mais ce titre, il change tout. Oui. Bah vas-y, je t'en prie, je te laisse commencer. Bah, il change clairement tout simplement parce que je crois que c'est la... Oui, c'est pas je crois, c'est la seule paire de double dames médaillée dans l'histoire des Jeux Olympiques en Indonésie. Pas juste d'or, hein, une médaille tout court, c'est la seule. Donc rien que pour ça, en fait, il n'y avait même plus de débat. Rahayu, faut pas oublier qu'elle a 23 ans et Poli, elle en a 34. Et elle a joué pendant des années avec Maes Rawi, qui est plus jeune qu'elle. Et pendant longtemps, notamment, je crois que c'est à Londres où vraiment on les attendait, à Rio pareil, et ça a été des grandes déceptions. Voilà, je vais parler de Poli Maes Rawi en tant que paire. Elles ont un bronze mondial, elles gagnent les Jeux d'Asie, tu l'as dit, mais pas vraiment de gros tournois sur le circuit. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai choisi Rahayu, c'est qu'il y a le titre olympique, certes, mais il y a déjà deux bronzes mondiales, tu vois, 2018-2019, bronze aux Jeux d'Asie 2018. Voilà, en fait, on voit que bah, cette paire, elle est récente, mais elle est constante dans les grands événements. Et je crois que c'est la seule paire indonésienne en double dame qui a deux médailles mondiales, tu vois. Donc voilà, pour moi, c'était un choix assez évident. Moi aussi, pourquoi? Parce que d'une, c'est la seule médaille olympique, tu l'as dit, la seule paire médaille olympique. Mais sauf qu'on répète souvent qu'avant, il n'y avait pas de JO. Sauf qu'en fait, même quand tu regardes avant, on va en parler après, mais... L'Indonésie en double dame aux mondiaux, depuis qu'il y a les mondiaux en 77, et encore avant au All England, ça représente vraiment pas grand chose. Donc c'est aussi pour ça, en tant qu'observateur, on s'en rend peut-être pas assez compte de ce que représentait ce titre de Poli Rahayu qu'elles ont gagné à Tokyo il y a un mois. C'est vraiment une page d'histoire qu'elles écrivent parce que il n'y a pas grand chose avant en fait. C'est triste de dire ça pour un pays comme l'Indonésie, mais il y a tout à écrire en fait. Donc. Poli Rahayu, je suis d'accord avec toi pour tout ce que tu as dit. La déception, je trouve, pour Grecia Poli, avec ses deux partenaires, c'est qu'il n'y a pas grand-chose sur le circuit classique, on va dire. Un seul Super 1000, et c'est le Thailand Open qu'elles ont gagné en janvier dernier pendant la pandémie. Quoi. Donc, manque de constance, mais en même temps, pour le coup, là, le niveau de double dame qu'il y a eu en face, il est quand même assez dingue, que ce soit peut-être les Chinoises avant... ou les Japonaises maintenant, il y avait toujours une énorme concurrence. Donc, arriver à gagner ce qu'elle a gagné, c'est déjà un exploit majeur. Ouais, moi j'ai l'impression justement qu'elle a toujours été constante en fait, mais qu'il y avait toujours un peu plus fort, tu sais. Parce que on est rarement déçus en vrai par Poli Rahayu dans les tournois. Elles sont souvent là en quart, en demi, mais aujourd'hui, bon, c'est les Japonaises. Il y a eu les Coréennes entre-temps aussi, il y a eu les Chinoises avant, et en fait, qui étaient toujours un peu meilleures. Et... c'est vrai que ce titre olympique, peut-être que dans 20-30 ans, ce que nous on dit aujourd'hui sur Taufik Hidayat ou sur des mecs comme ça, Poli Rahayu, dans 20-30 ans, elles seront traitées comme ça, comme on parle de ces légendes-là, parce que tu l'as dit, elles ont écrit l'histoire de l'Indonésie. J'ai rien à rajouter, c'est vrai que c'est marrant que bah, du coup, les meilleures joueuses de l'histoire, elles aient gagné leur titre majeur il y a si peu longtemps, mais ouais, je suis d'accord. En fait, c'est vrai que je me suis mal exprimé. C'est vrai qu'il y a une certaine régularité au haut niveau, mais des fois, elles arrivent à aller encore plus haut, et c'est notamment ce qu'elles ont fait à Tokyo il y a un mois, quoi. Mais ce niveau-là, elles ne peuvent pas le garder longtemps sur le circuit, et elles, c'est très rare que finalement elles gagnent des gros tournois, quoi. Ouais, bien sûr, je l'avais compris perso dans ce sens-là, mais t'as raison de l'expliquer. Après, sans dénigrer leur titre olympique, c'est pas du tout le but, mais le reste de l'année, les Japonaises, elles auront jamais cette pression qu'elles ont subie à Tokyo, et c'est ça qui fait qu'elles sont beaucoup plus, enfin, elles sont plus détendues et beaucoup plus fortes, en fait, le reste de l'année, et je pense qu'elles sont toujours un cran au-dessus de Polira Ayu, qui ont été incroyables à Tokyo, attention. Ouais, totalement. Alors, derrière, qui tu veux citer? J'ai une seule mention, donc ça va être très maigre. C'est Elisa Nathanael. Non. Ah. Ben, 48 ans, donc carrière sur la décennie 90. Il y a une médaille de bronze au Mondiaux 97, 3 médailles d'argent en Sudirman Cup, une médaille d'argent aux Jeux d'Asie 98, je crois qu'elle gagne les Jeux d'Asie, les championnats d'Asie 96. Ça fait peu en fait quand on a vu le simple homme et le double homme avant par exemple, mais voilà, je voulais la citer parce qu'elle a quand même un palmarès que beaucoup rêveraient d'avoir. Mais ouais, t'as raison. Alors moi je suis allé chercher plus loin encore. J'ai cité une paire, c'est la paire Minarni Kustidia. Alors elles ont pas gagné grand chose, mais en même temps il y avait pas de mondiaux à l'époque, mais du coup elles ont quand même gagné le All England, qui donc était très important à l'époque, et quand même deux fois les Jeux d'Asie, en 62 et 66. Donc voilà, je voulais quand même la citer, parce que du coup maintenant elles ont une soixantaine d'années. Mais je voulais citer parce que le All England, on sait l'importance que ça avait. Elles ont gagné notamment le Malaysia Open aussi. Elles ont gagné le Malaysia Open deux fois aussi. Donc voilà, je voulais les citer. Minarni Kustidia, la paire de double dames. I'm the bad guy. Take that! On va tout de suite passer au dernier tableau, le double mixte, où là il y a encore du lourd. C'est parti. Benoît, est-ce que tu veux commencer? Alors là, j'ai eu du mal aussi parce que j'ai sorti notamment une joueuse du lot. Oui. J'ai eu du mal à sortir un joueur et à sortir une paire. Donc je te laisse commencer. Oui, bah on sait déjà que tu as choisi Iliana Natsir et qu'après tu t'es pas trop mouillé sur le partenaire. Mais Exactement. J'ai choisi Tantowi Ahmad. Je vais te dire pourquoi. C'est la deuxième partie de la carrière de Iliana Natsir. On parlera de la première juste après. Ils ont joué ensemble entre 2010 et la fin de leur carrière, donc 2019. Ouais. C'est eux que j'ai choisi parce que les Jeux Olympiques 2016, ils sont champions olympiques. Ils sont champions du monde en 2013, en 2017. Il y a deux médailles de bronze en 2011, en 2015. Leur plus gros échec, c'est de ne pas avoir gagné les Jeux d'Asie, où ils font argent en 2014, bronze en 2018. Par contre, ils ont gagné les championnats d'Asie, ils ont plusieurs autres médailles. Ils gagnent 3 All England consécutifs, c'est la seule paire au XXIe siècle qui a fait ça. Voilà, pour situer, il y a 2 Indonesia Open consécutifs aussi, en 2017-2018. Cette paire, elle a clairement dominé le mixte mondial, alors qu'il y avait une énorme concurrence. Mais hormis cet échec de Iliana Natsir, qu'il avait dit que les Jeux d'Asie c'était son objectif, elle est quand même championne olympique et double championne du monde avec Tantowi Ahmad. Ouais, donc moi évidemment la joueuse que je voulais mettre en avant, c'est elle aussi, Iliana Natsir. Ouais. S'il faut retenir peut-être qu'un seul nom de cet épisode, c'est peut-être le sien, parce que c'est dingue la carrière qu'elle a. Donc elle a deux partenaires, Ahmad tu l'as dit et Widianto avant, je te laisserai en parler après. Mais moi pour exactement les mêmes raisons, tout simplement parce que voilà, championne olympique sur sa fin de carrière, où elle fait 3 demi-finales de Jeux Olympiques, une médaille d'argent au final et une médaille d'or et une quatrième place, 7 médailles mondiales dans un seul tableau, dont 4 en or en tout, tu l'as dit, les 3 All England d'affilée. Évidemment, les plus gros regrets, les Jeux d'Asie, pas de World Tour Finals non plus, mais quand même, c'est elle qui possède, c'est la joueuse qui possède le nombre de records de titres sur le circuit WF en mixte. Donc une carrière majuscule qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps et que on a eu, toi et moi, la chance de l'avoir joué assez longtemps quand même. Donc ouais, Iliana Natsir, ça allait forcément être elle. Et oui, et je reviens juste sur un dernier truc, Ce qui est dingue, c'est que tu l'as dit, énorme concurrence, parce qu'en plus, elle a été à cheval entre l'époque des Chinois Zhang Zhao et l'époque Zheng Wang, Zheng Cheng. Toi. Donc, elle a été face à deux générations de paires chinoises très très fortes, et elle a quand même réussi à même pas tirer son épingle du jeu, faire beaucoup mieux que ça même. Ouais, c'est clair, Liliana Natir, même peut-être que les paires de double homme qu'on a citées avant, Liliana Natir, elle est... c'est une des plus grandes joueuses de ce sport, en fait. Et elle est parfois sous-cotée, et c'est vrai qu'on n'a pas toujours tendance à la citer. Mais en fait, c'était une joueuse tellement intelligente sur le terrain que... elle n'était pas forcément impressionnante, mais elle était d'une rare intelligence. Et elle a eu deux carrières, en fait, tu l'as dit, la première avec Wei Dianto. Elle a eu une carrière quasiment qui a duré 17-18 ans, alors que Liliana Natir, elle a 35 piges. Elle a été brillante, sa carrière. Tu l'as dit, à l'argent au jeu 2008 avec Wei Dianto. Elle est championne du monde en 2005, championne du monde en 2007. Il y a une autre médaille d'argent en 2009. Il y a deux médailles d'argent à Sudirman, si je dis pas de bêtises. Peut-être même une troisième médaille. Voilà. Le regret, encore une fois, c'est qu'elle n'est pas non plus parvenue à gagner les Jeux d'Asie avec lui, mais elle a gagné les championnats d'Asie, et puis avec lui, elle a quatre médailles aux championnats d'Asie. Donc, en vrai, que ce soit avec Wei Dianto ou Tonto Yamad, je pense que les deux étaient très forts. Hein, le débat est même pas là. Mais quand tu vois la carrière de Liliana Natir, tu peux légitimement te demander s'ils auraient été capables d'amener une partenaire comme elle les a amenés à tous les deux. Ouais, c'est la question que je me suis posée aussi, parce que, et ce qui est très important, je trouve, dans sa carrière, tu l'as dit, c'est la constance. Quand tu vois qu'elle a été championne du monde et championne olympique, par exemple, à plus de 10 ans d'intervalle avec un partenaire différent, il n'y a pas eu de période où elle s'est éteinte, on va dire, elle n'a plus rien gagné, quoi. Elle a toujours été au top pendant toutes ces années, et moi, je trouve ça vraiment dingue. Ouais, c'est clair, enfin... pour le coup, des joueurs qu'on a cités et qui ont gagné que dans les grands événements, il y en a eu là. Hein, bon, c'est pas le cas de Setiawan, Kido et Assad, mais en double homme, c'est par exemple le cas où il y a des joueurs qui ont gagné vraiment sur les grands événements, mais sur le circuit, ça n'a pas été incroyable. Liliana Natir, tu l'as dit, elle détient des records, à mon avis, qui seront jamais battus. Joueuse incroyable de constance, d'envie, parce que se remotiver quand t'as été championne du monde, j'ai pas les chiffres, mais elle devait avoir une vingtaine d'années quand elle est championne du monde la première fois, même peut-être un peu moins, et se redire que à 30 piges elle est capable de encore aller chercher un titre de champion du monde 10 ans après, c'est assez incroyable quand on sait à quel point dans les sports de haut niveau c'est difficile de durer. C'est ça, elle a été championne du monde à 20 ans et à 32 ans. Ouais. C'est ça qui est fou, en fait. Je trouve ça dingue. Bon, vous avez compris, on aime beaucoup cette joueuse, on ne tarit pas d'éloges, mais Liliana Natir, aisément la meilleure joueuse de l'histoire de son pays dans ce tableau. Alors, du coup, le choix a été facile, mais derrière, il y a quand même quelques noms. Je te laisse commencer, Benoît. Moi, j'ai la paire... alors, je vais me risquer à la prononciation. Tri Kucharyanto et Minarti Timur, 47 et 57 ans. Donc là, on voit bien que l'Indonésie a mis un jeune avec une joueuse beaucoup plus expérimentée. Mais en vrai, ça n'a pas été mauvais. Il y a l'argent au jeu 2000, bronze au Mondiaux 97... bronze sur les Jeux d'Asie 98, pardon, 5 Indonesia Open, et petite mention pour Tri Kucharyanto, qui a même, je crois, gagné deux mondiaux vétérans sur les dernières années, donc voilà, c'est une paire que je voulais citer. Vas-y, je te laisse la parole. D'abord, je reviens sur eux, parce que c'est eux que j'ai mis deuxième aussi, ouais. je les ai mis en deuxième. T'as tout dit déjà, ils ont été numéro 1 mondiaux. J'ai noté, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont fait 5 finales de World Tour Finals. Ils en ont gagné qu'une, mais ils ont quand même fait 5 finales. Je trouve aussi paire assez régulière dont on parle pas trop et qui est pas très connue, mais que je voulais effectivement mentionner. Alors moi, j'ai aussi noté Christian Adinata. Donc tu l'as mentionné toi tout à l'heure pour le double homme, je l'ai mis en mixte et j'ai pas vraiment réussi à mettre une seule partenaire parce qu'il en a eu lui aussi, il en a eu plusieurs, mais il a été champion du monde en 80. Il a été champion du monde avec Imelda Wiguno, pardon. Donc voilà, il a gagné deux fois les Jeux d'Asie, il a gagné les All England, donc voilà, il a plusieurs partenaires, mais Christian Adinata, je voulais le mentionner en mixte. Est-ce que t'en as d'autres ? Non, j'ai pas d'autres mentions, vas-y, si t'en as, je te laisse la main. Alors, j'en ai qu'un, j'ai mis Pravin Jordan, exprès pour t'énerver déjà. Allez, je me casse. Je sais que... Pourquoi je l'ai mis ? Juste parce que je voulais juste mentionner qu'avec deux partenaires différentes, lui aussi, il fait partie de ces joueurs qui avaient un peu deux carrières, avec Debbie Susanto et Melina Octavianti maintenant... De All England, mais on espère qu'il fera un jour beaucoup mieux. Mais je voulais noter qu'il a quand même une carrière qui est mine de rien assez longue, Pravin Jordan, puisqu'il a été connu très très tôt et il a quand même été numéro 2 mondial avec Debbie Susanto. Donc je voulais le mentionner, surtout parce que je savais que ça allait te saouler. Non, enfin, si on est un peu honnête sur Pravin Jordan, c'est un joueur, quand il est à son meilleur niveau, toi et moi, on a eu la chance de le voir peut-être sur la meilleure période de sa carrière aux IFB, quand il fait le doublé IFB Danemark Open, c'est un joueur exceptionnel. Il est archi talentueux, il faut le dire. Mais je trouve que il a un tel talent que son palmarès est pas à l'image en fait de ce qu'on a pu voir pendant ces années de carrière, parce que c'est vrai que tous ces joueurs, on n'a pas tous pu malheureusement aller voir jouer, mais lui, on se dit vraiment que c'est un énorme gâchis, et c'est aussi pour ça que ça me saoule avec ce joueur-là, c'est que je pense qu'on l'admire en tout cas dans le jeu, et quand on voit ce qu'il en a fait de ses qualités, c'est un peu rageant, c'est tout. Mais non, mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu le Hatem Ben Arfa du badminton, c'est la meilleure comparaison que je peux trouver. Il faut garder à l'esprit qu'il a quand même que 28 ans, donc moi j'ai toujours espoir qu'il gagne un titre majeur, mais c'est vrai que ce sera jamais un joueur régulier, ça on en est certain. Je vais accélérer un peu parce que ça fait déjà bientôt une heure qu'on parle, et il nous reste la partie du coup de cœur. Alors moi j'ai eu du mal à choisir. Je vais te laisser commencer, Benoît. Qui tu as mis donc ton joueur un peu fétiche dans tous ces tableaux? Mais toi c'est pas difficile puisque t'as pas fait de choix sur les tableaux de double, donc non, moi c'est... Oh allez. Moi, j'ai créé une paire pour l'occasion, voilà, donc je m'accorde ce petit joker. Je nous ai créé une paire, mon gars, tous les jours, elle gagne championnat du monde, Jeux Olympiques. Mohamed Hassan et Kendra Vijaya, j'ai décidé de créer une petite paire, mais si je devais en choisir un seul, ce serait Mohamed Hassan, parce que joueur que j'admire, personnellement, je pense que tu me diras pas le contraire, qui a eu une carrière incroyable, hormis ce petit échec des Jeux Olympiques où il n'y a pas de médaille. Mohamed Hassan, c'est un joueur tellement beau à voir jouer, tellement fort, tellement intelligent, je pourrais parler des heures. Très sous-coté, mais... Mohamed Hassan. Ouais, exactement. C'est le genre de joueur qui te fait gagner, mais qui n'est pas forcément brillant, étincelant par le jeu, en fait. Je suis totalement d'accord, j'adore aussi ce joueur. Pour ma part, j'ai mis Taufik Hidayat, peu parce que comme ça, ça me simplifie le choix de ne pas le mettre en meilleur joueur de l'histoire. Je l'ai mis pour plusieurs raisons, parce que j'adore son style de jeu déjà. Moi, je préfère au bad, j'ai toujours préféré voir un beau revers que par exemple un gros match. J'ai toujours aimé ce genre de joueur et lui, je trouve tellement beau à voir jouer. Donc ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, c'est que je trouve que le personnage est vraiment cool. Je trouve qu'il a vraiment une personnalité différente des meilleurs joueurs de son époque. Je trouve qu'il est plus souriant, plus avenant. Je trouve vraiment... il est vraiment cool. Et même dans tous ses déclats et tout ce qu'il a pu dire, je trouve très très bien. Et la dernière raison, c'est purement de la nostalgie, mais c'est que pour moi, il est vraiment symbolique de la période où moi j'ai découvert le bad et de ce quatuor avec Peter Gade, Lee Chong-wei, Lin Dan, et d'une époque qui est maintenant révolue puisqu'il n'y en a aucun des quatre qui joue encore, mais c'est vraiment pour moi il y en a eu plusieurs, mais un des âges d'or du simple homme mondial, il est quand lui était là, donc pour toutes ces raisons j'ai choisi en joueur coup de cœur. Ouais je le honnêtement j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais il y a je crois que c'est le fameux podium à Anaheim où il est champion du monde et à côté de lui il y a Lin Dan et Lee Chong-wei, si je dis pas de bêtises. Pour moi c'est ça en fait, tu l'as dit, on est de la même génération et moi j'ai découvert le bad avec ces mecs là et voilà, Taufik Hidayat, joueur incroyable, et tu t'es quand même bien rattrapé parce que je me suis dit s'il me le met pas en joker, aïe aïe aïe. Ouais, et je rajouterais que cette image elle est connue parce qu'il y a Peter Gade qui fait quatrième, c'est ça, ils sont tous les quatre sur le podium, et d'ailleurs... Mais il y a deux médailles de bronze, non ? Oui, si, c'est ça, c'est pour ça qu'il y a Gade et Lee Chong-wei. Et d'ailleurs, on ne se rend pas assez compte du niveau qu'il avait. Parce que du coup, je suis allé voir les scores. Il met une tôle à Lindan en finale. Ouais. Il met une tôle à Li Chongwei en demi. Juste avant, il bat Kenneth Jonassen en quart. Enfin, le niveau qu'il avait à l'époque, c'était vraiment monstrueux. Alors, Li Chongwei et Lindan étaient encore très jeunes. Mais c'était vraiment sa période, quoi. Il y avait lui et il y avait les autres à l'époque. Donc voilà, Taufik Hidayat, mon joueur coup de cœur. Benoît, merci d'avoir fait ce long épisode encore avec moi. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais pour conclure, tout simplement, l'Indonésie, quel pays de bad, hein. Il y a la ferveur, il y a les joueurs, il y a l'histoire, il y a tout en Indonésie. Ouais, voilà, tu l'as dit, l'Indonésie, c'est... beaucoup le disent, le berceau du badminton. Quand on a parlé de ça, on avait fait l'épisode de la Chine, mais tu vois, je trouve que là, il y a encore plus cette ferveur autour de l'Indonésie qu'on a pu lire, qu'on peut voir et tout. Et ouais, voilà, c'est pays incroyable de badminton et pourvu que ça dure. Exactement. Peut-être que je me trompe, mais typiquement, la Chine, ils sont très forts en tennis de table et ils sont très forts dans d'autres sports, alors que l'Indonésie, c'est vraiment le badminton, quoi. J'ai pas souvenir d'Indonésiens très très forts dans d'autres sports. Il y en a peut-être, hein, je connais pas autant, mais je pense que ça doit jouer aussi. Et j'espère qu'on va pas vers une génération, ça pourrait être le sujet d'un autre épisode, mais un creux pour l'Indonésie, parce que j'ai un peu peur sur pas mal de tableaux de voir ce qui va se passer. Mais bon, voilà. C'est tout pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Merci d'avoir participé, Benoît. Ben écoute, merci à toi, Ewan. C'était génial. Et puis merci à vous pour votre écoute. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous a plu aussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce concept. On en a fait deux déjà, qui étaient parmi nos premiers épisodes. Donc comme on avait moins d'auditeurs à l'époque, peut-être que vous les avez pas écoutés. Donc il y en a pour la Chine et pour l'Angleterre. Donc à chaque fois, on fait le même principe. Les meilleurs joueurs de chaque tableau et le coup de cœur à la fin. Donc voilà, la Chine et l'Angleterre sont déjà disponibles sur Spotify, etc. Nous, on se retrouve tous les lundis. Donc rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de 21 Shuttle. Il y a une actualité très chargée qui va arriver pendant toute l'année 2021. Donc merci de nous écouter. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.绽放我们激情的节奏，把那束缚抛开的时候，共同感受这片天空带给我们的自由。挥动你我坚强的双手，努力奔向成功的尽头，我们的。